Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette semaine, nous vous proposons de redécouvrir une série d'émissions sur Jacques Lacan, diffusée pour la première fois en mars 2018. Aujourd'hui, quelle est la langue de l'inconscient ? En compagnie de Jean-Pierre Clairaut. L'inconscient est structuré comme un langage, affirme le psychanalyste Jacques Lacan qui nous accompagne cette semaine. Mais comment expliquer alors qu'il considérait la langue anglaise comme étant impropre à l'analyse ? Si l'inconscient est un langage, pourquoi ne parle-t-il pas toutes les langues ? Et pourquoi pas l'anglais ? Je crois que c'est la langue anglaise qui fait obstacle. Ce n'est pas très prometteur parce que la langue anglaise est en train de devenir universelle. Il faut tout de même reconnaître les choses que... comme elles sont, je ne suis pas le premier à avoir constaté cette résistance de la langue anglaise à l'inconscient. Words don't come easy, les mots ne viennent pas facilement, chante F.R. David. Après tout, Lacan n'avait pas peur du kitsch, alors nous non plus. Merci Jean-Pierre Clairaut d'être avec nous aujourd'hui et bonjour à vous. Vous êtes professeur émérite de philosophie à l'université de Rouen. Vous avez publié plusieurs ouvrages sur Lacan, dont un vocabulaire de Lacan, et Lacan et la langue anglaise. Alors on ne savait pas que c'était un sujet si important pour Lacan. Oui, c'est un sujet important parce que, comme vous le disiez au début de l'émission, Lacan a soutenu maintes fois la thèse que l'inconscient est structuré comme un langage. Bon. Et avec des variantes, c'est-à-dire, comme toujours chez Lacan, les thèses bougent, elles sont pas immobiles, et il est sûr que c'est quelque chose qui veut dire plusieurs choses. Bon. Mais ce qui est étrange, effectivement, c'est d'avoir exclu, en quelque sorte, l'anglais des langues possibles pour exprimer l'inconscient. Ou plus exactement, il faut faire très attention parce que c'était quand même un lecteur de psychanalyste anglais. Il n'ignore quand même pas que la Standard Edition est en anglais. Il le sait même trop bien que les instances internationales de psychanalyse sont aux mains des anglophones et lui-même étant lisant l'anglais sans doute et le lisant, ça c'est certain, et le l'écrivant peut-être un petit peu moins bien, mais ne le parlant pas. Hein. Et donc, comment se fait-il ? C'est vraiment une question. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire que l'inconscient est structuré comme un langage ? C'est peut-être la première chose qu'il faudra regarder. Oui, tout à fait. Et puis la deuxième chose, c'est mais pourquoi est-ce que l'anglais ferait obstacle, finalement? Comment ça se fait que des langues, le japonais aussi, entre parenthèses, mais là, je serais bien incompétent pour en parler, mais pourquoi l'anglais, effectivement, est exclu de ce genre de choses? Alors, l'inconscient est structuré comme un langage. Ce qui me semble important, c'est que l'inconscient, c'est pas quelque chose qui est obscur en nous, c'est pas une sorte de deuxième sujet en nous, c'est pas du tout quelque chose comme ça qu'il faut voir. Ce qui est important, c'est que quand il dit qu'il est structuré comme un langage, cela veut dire d'une certaine façon que il dissimule un certain nombre de choses au sujet par le simple fait que il y ait cette structure. C'est-à-dire la structure permet en quelque sorte d'accéder à certaines idées facilement, et d'autres idées sont complètement oblitérées, complètement n'existent pas d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce que vous pouvez dire en anglais, il est clair que vous ne pouvez pas toujours le dire exactement en français. Tous les traducteurs le savent. Ou quelque langue que ce soit est toujours un peu en porte-à-faux avec les autres langues. Eh bien, ce qu'il appelle inconscient, et attention, c'est pas, il dit que c'est comme un langage, oui, il dit pas que c'est un langage, et il dit même pas que c'est le fondement du langage ou l'inverse, il dit pas que le langage est le fondement de l'inconscient. Bon, il dit que c'est comme. Bon, alors le point c'est structuré comme un langage, c'est-à-dire que il nous fait accéder sans doute à certaines idées, on peut accéder à certaines idées par un langage, mais énormément de choses nous échappent, alors que tout est sur la table, on voit toutes les structures, on voit tous les schèmes, on voit tous les mots, tout y est, d'une certaine façon, mais tout se passe comme si on ne saisissait pas toute une série de choses que d'autres schèmes éventuellement pourraient dire. Donc c'est oui. ça qui fait ce qu'il appelle structuré comme un langage. On peut l'entendre comme une bonne ou comme une mauvaise nouvelle. Comme une mauvaise nouvelle, parce que ça veut dire que ce langage, eh bien, peut-être n'y avons-nous pas accès. Il faut apprendre à le parler. C'est peut-être l'enjeu de l'analyse que d'apprendre à comprendre le langage de l'inconscient pour le déchiffrer. Et la bonne nouvelle, ça veut dire qu'on peut... Si c'est comme un langage, ça veut dire que ça nous est pas complètement inaccessible et que justement nous pouvons établir un lien avec ce type de langage qu'est l'inconscient. Au fond, est-ce que ce que Lacan dit en disant que l'inconscient est structuré comme un langage ne revient pas à établir un parallèle entre la langue française et la langue anglaise ? Il suffit d'apprendre une autre langue pour la comprendre et la parler. Et la conscience et l'inconscient. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une affaire de traduction. Il faudrait apprendre à parler la langue de l'inconscient. Oui, tout à fait. C'est une affaire de traduction. D'ailleurs, ce qui intéresse Lacan à l'intérieur du langage, quand il s'intéresse bien sûr à son métier d'analyste, ce sont essentiellement, il décline vraiment toutes les possibilités offertes par le langage, la métaphore, la métonymie, on pourrait dire le verlan, enfin il utilisait constamment, il inversait les mots, tous les jeux de mots, letter, une lettre, une ordure, les limericks, les nonsense, enfin tout cela, d'une certaine façon, est utilisé, les calembours, les néologismes, enfin Dieu sait s'il en a fait, les sortes de rébus aussi, il utilise énormément de rébus, il va s'intéresser à Joyce presque sous cet angle-là, comme une espèce d'énorme rébus quand il regarde Finnegan's Wake. Donc, il est vrai que le langage l'intéresse sous cet angle-là. Alors, comme un langage, c'est vrai que le problème se pose. Et on le voit très souvent, je ne dis pas hésiter là-dessus, mais il a sans doute varié. Parce que comme un langage, cela peut s'entendre parfois comme il y a l'anglais, comme il y a le français, etc. Il le dit d'ailleurs. Il y a une conférence, la conférence qu'il fait à Baltimore, je crois que c'est en 1966, dit très exactement ça. Comme il y a des langues, eh bien, il faut comprendre l'inconscient vraiment comme une langue, au même titre qu'il y a le français, l'anglais, etc. Ce qui pose un problème énorme. Parce que est-ce que ça veut dire que l'inconscient alors serait lié d'une certaine façon, lirait le sort de l'analysant à une langue ? Est-ce que ça aurait le moindre sens de voir des choses de voir les choses comme ça ? Est-ce que celui qui est névrosé, si j'ose dire, et parlant telle langue, se verrait en quelque sorte puni par certaines langues de la possibilité de faire une analyse qui serait complètement extravagant et complètement étrange. Mais est-ce que ça veut dire que l'inconscient est structuré comme un langage ? Ça veut dire que l'inconscient n'est pas le lieu d'expression de pulsions destructrices, chose qui ne relèverait pas du domaine de l'expression verbale. C'est ça qui est intéressant. Il peut l'être, mais simplement, ce qui est intéressant en analyse, c'est tout ce que vous pouvez repérer par le langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, effectivement, tout ce vocabulaire de l'instinct est complètement rejeté par Lacan. Il ne lui semble pas avoir de sens. La notion même de passion est rejetée. La notion d'affectivité est souvent même compromise. Avec d'ailleurs parfois d'étranges entorses, parce que un séminaire entier est consacré à l'angoisse quand même. Bon, donc si l'angoisse n'est pas un affect, je ne sais pas trop ce que c'est. Bon, mais de fait, il est constamment en train de rechercher quelque chose qui serait plus profond que ce qui est vécu sous la forme d'un sentiment, ce qui est vécu sous la forme d'une passion. Au fond, il renverse un peu les options classiques là-dessus. Par exemple, quelqu'un comme Hume ou quelqu'un comme tous les auteurs qui ont traité des passions ont tendance à insister sur le côté vécu de la passion. Lui renverse les choses en disant que c'est pas le côté intéressant. Ça, c'est un côté très imaginaire de la passion. Il y a quelque chose qui est plus profond que ce côté imaginaire et qui est structuré, effectivement, comme un langage. Et c'est de cela, au fond, qu'il convient de parler. C'est ce moment-là qu'il faut atteindre. C'est exactement cela qu'il faut atteindre par le biais de ce que vous avez appelé, à juste titre, une espèce de traduction. Il faut constamment traduire, constamment passer d'une langue à l'autre. Et ce qui compte, d'ailleurs, c'est pas tellement d'aller chercher une substance qui serait dissimulée derrière des signes, mais c'est la transformation d'ensemble de signes en autre ensemble de signes, en faisant des restes, hein, bien sûr. Hein. Il ne s'agit pas de tout prendre, on ne peut pas. Hein. Mais il y a cette transformation. L'inconscient est le discours de l'autre, est ma formule. Il est structuré comme un langage, ce qui est pléonasme, nécessité pour me faire entendre, puisque langage est la structure. L'inconscient n'est pas pulsation obscure du prétendu instinct, ni cœur de l'être, mais seulement son habitat. Non seulement le langage est un milieu aussi réel que le monde dit extérieur, mais il faut être aussi crétinisé qu'on l'est par les imaginations où se sont constituées jusqu'ici la théorie de la connaissance et les prétendues méthodes concrètes de l'éducation pour éluder ce fait massif. Mais justement, il ne devient un fait qu'une fois supporté d'une condition scientifique, que l'homme croit, fait sa croissance, autant immergé dans un bain de langage que dans le milieu dit naturel. Ce bain de langage le détermine avant même qu'il soit né. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, nous parlons de Jacques Lacan. Cette semaine, le psychanalyste Jacques Lacan, aujourd'hui en compagnie du philosophe Jean-Pierre Clairaut. S'il y a une chose qu'il faut retenir de Lacan aujourd'hui, Jean-Pierre Clairaut, c'est l'idée que Lacan lui-même vient d'énoncer, c'était en 1966, sur France Culture, à savoir non seulement que l'inconscient est structuré comme un langage, nous l'avons beaucoup dit, on n'a pas fini d'épuiser le sens de cette formule, mais surtout que tout homme est précédé par le langage, que nous vivons, dit-il, dans un bain de langage, qui fait que finalement le langage nous structure beaucoup plus profondément que nous ne le structurons en essayant de l'habiter et en parlant. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut distinguer quasiment, il est très saussurien quand il dit ça, il faut distinguer la parole de Ferdinand Saussure, et le Ferdinand de Saussure. Hein. C'est-à-dire qu'il faut distinguer la parole et la langue. Hein. On a l'impression, quoi qu'il parle quand même de langage plutôt que de langue. Il dit pas qu'il est structuré comme une langue, mais il dit que c'est structuré comme un langage. Quelle qui implique un petit peu, langue et langage, c'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que le langage est la faculté de parler une langue. Bon, donc c'est la parole et la langue sont relativement mêlées, si j'ose dire, dans le langage, alors que Saussure s'était évertué à les décoller l'un de l'autre. Hein. Et donc on a le sentiment que chez Lacan, le sujet n'est pas c'est pas lui qui est le lieu véritablement de l'inconscient, c'est il dit très bien que c'est le langage qui est le milieu du sujet. C'est-à-dire que le sujet est dans quelque chose qui est structurel, il est dans une situation. Il emplit une fonction dans une situation, mais il ne faut pas penser cette situation comme étant dans un sujet, comme étant fondée sur un sujet. Au fond, ça c'est le point qui distingue énormément Lacan de la plupart des philosophes qui étaient au moins à cette époque-là dans le sillage de la phénoménologie et qui pensaient d'une certaine façon que hors des philosophies du sujet, il n'y avait point de salut. Hein. Or, là, chez Lacan, on a quelque chose de tout à fait contraire. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il renverse complètement cette situation. Et ce qu'il essaye de montrer, c'est que la fonction du sujet, la fonction subjective, ou les positions diverses du sujet, en quelque situation que ce soit, ne s'explique que par quelque chose qui est beaucoup plus général, une structure beaucoup plus générale que ce qui peut se passer à l'intérieur du sujet ou comment il peut, lui, voir les choses. C'est-à-dire, comment lui voir les choses. C'est l'importance du terme de structure. Voilà. C'est-à-dire que sujet est toujours pris dans une structure. On est toujours pris dans une certaine structure, on est autant parlé que l'on parle. Si mais ça, c'est très difficile à admettre de la part d'un patient, d'un analysant, dirait Lacan, qui, allongé sur son divan ou face à son psychanalyste, tente de dire sa propre histoire, part à la conquête de sa propre vérité, ce que nous disions les jours précédents. Accepter que nous faisons partie d'une structure qui nous dépasse peut rendre problématique et encore plus compliqué le fait de ressaisir la vérité de son propre désir, qui, elle, est singulière. Oui. Mais Lacan a bien mis ça en cause, d'une certaine façon. C'est-à-dire que peut-être est-il bon que l'analysant ait au départ un certain nombre d'illusions, en particulier celle d'aller rechercher l'histoire de sa vie telle qu'elle s'est réellement passée. En réalité, on ne sait jamais ce qui s'est passé. Je veux dire qu'il est complètement impossible de faire ressurgir ces événements. Ils n'ont plus aucun présent, ils ne sont plus dans cet état-là. On ne peut pas le faire. Il n'y a que des traces. Sauf dans le symptôme. Et à partir de ces traces, il faut effectivement construire. On va construire quelque chose. Et là, Lacan, en fond, est dans la continuation du Freud, du dernier Freud, sur un très beau texte de Freud sur la notion de construction qu'il a écrit. Je crois que c'est à peu près, je crois qu'en 1937 ou 38, enfin, très peu de temps avant de mourir, où il dit d'une certaine façon que, peu importe la vérité de ce qu'on est en train de construire, le point c'est est-ce que ce récit qu'on est en train de faire avec l'analysant, est-ce que il sert à quelque chose pour l'analysant? Est-ce qu'il en fait quelque chose? Et est-ce que par là il peut d'une certaine façon sortir de son mal-être? Et il s'agit pas véritablement d'être vrai. Le problème n'est pas là. On sait très bien que on peut pas l'être vrai. Il y aura jamais de conformité entre le discours que l'on tient dans l'analyse et ce qui s'est passé, puisque par définition ce qui s'est passé, on ne le sait pas, ni l'analysant, ni l'analyste ne le savent. Mais nous construisons, font quelque chose se construit entre l'analysant et l'analyste, au moment de l'analyse, et c'est ça qui compte, c'est cette espèce de récit qui n'est ni vrai ni faux, qui se construit, qui a sa solidité propre, et c'est exactement ce qu'on pourrait appeler une psychanalyse. Ça n'a pas d'autre sens, c'est pas la vérité du sujet. Mais qui émane d'une structure, j'en reviens à cette idée, parce qu'elle est fondamentale, parce que ça permet aussi peut-être de comprendre pour le sujet la difficulté qu'il y a à trouver les mots pour raconter ce qui est, quand ces mots lui échappent toujours, et quand il est lui-même pris dans les mailles d'une structure qui le dépasse. C'est peut-être aussi un deuil à faire de sa singularité absolue. Ça peut être douloureux de réaliser que, finalement, nous appartenons tous au même langage et qu'il est difficile de trouver la manière dont nous nous sommes appropriés ce langage. Oui, oui. Il y a effectivement quelque chose qui fait des restes, qui fait des manques absolument partout et qui, quelque chose qui est troué. Platon disait dans le Cratyl que le langage était penchévrier. C'est-à-dire, c'est une espèce de flûte, le langage, avec des trous et des choses qui se bouchent. Mais d'une certaine façon, parler, c'est toujours essayer de boucher des trous. Et précisément, c'est ça le point. C'est-à-dire, comment parler, c'est donc essayer de remplir un vide. Et peut-être, d'ailleurs, avons-nous là une des clés qui montre peut-être que l'anglais, puisque Lacan avait l'air de dire que l'anglais avait des difficultés à être une langue de l'analysant, est-ce qu'il n'y aurait pas dans l'anglais quelque chose qui empêcherait cela? Et peut-être de diverses façons, mais on peut voir que l'anglais, par exemple, est comme presque toutes les langues, mais l'anglais, c'est caractéristique vraiment de l'anglais, c'est une langue double. C'est-à-dire que vous avez le saxon et vous avez le roman, vous avez le français. Et il se trouve que presque tous les mots, surtout quand ils sont abstraits, sont littéralement fendus. Vous pouvez dire « liberté » et « freedom », par exemple. Alors on pourrait imaginer que dans une analyse, vous avez une espèce de petit jeu qui constamment vous permettrait de fuir les difficultés et vous passeriez quasiment d'une langue dans l'autre. Alors qu'en français, les choses ne sont pas possibles. Il y a bien un moment où on peut vous coincer vraiment. Où là, vous êtes en train de dire telle chose et il va falloir vraiment maintenant vous y mettre. C'est-à-dire que quelqu'un qui parle anglais ne pourrait pas faire d'analyse en français et inversement. Alors, c'est on suppose, à partir des propos que vous avez recueillis chez Lacan, d'ailleurs il ne s'est pas tellement expliqué là-dessus, hein. Il faudrait d'abord expliquer quelles sont les différences qui existent entre l'anglais et le français, pour pouvoir dire ça. Il y en a de multiples, mais et en plus, il ne faudrait pas seulement rechercher toutes les différences, et Dieu sait s'il y en a, mais il faudrait en plus que ces différences soient vraiment significatives pour que l'on puisse dire bah, ce trait-là empêche véritablement l'analyse. Hein. Mais peut-être que l'un des rares qui expliquerait ça, mais encore que Lacan ne s'explique pas beaucoup là-dessus, ce serait peut-être cette espèce d'origine double de l'anglais, là où le français, sans doute de multiples origines aussi, mais quand même une origine centrale dans le latin. Et alors que l'anglais, pas. Le latin n'est qu'une composante, d'une certaine façon, de cette langue. Et il me semble que il n'est pas impossible de voir là une des difficultés. Ça a été repéré depuis très longtemps, hein. D'ailleurs, Lacan le dit très bien dans la phrase que vous avez citée. Même, par exemple, Rousseau le dit très bien dans son essai sur l'origine des langues. Il dit effectivement que l'anglais, il faut l'apprendre deux fois, parce que d'abord, l'écrit ne ressemble pas du tout à l'oral. Et dit-il en plus, c'est une langue qui s'est composée en 1066. Il y a vraiment eu un événement, c'est Guillaume qui envahit l'Angleterre et qui va imposer une langue qui va se coller au saxon, hein, qui était parlé. Et effectivement, vous avez quelque chose là qui peut-être expliquer une difficulté. Non pas encore une fois pour théoriser, je crois qu'on peut toujours théoriser dans n'importe quelle langue, mais pour ce travail très spécifique qu'est celui de l'analyse. Qui engendre un rapport au langage très particulier auquel nous sommes en train de réfléchir, Jean-Pierre Clairaut. Voici un texte de Lacan, un extrait d'un de ses séminaires en 1957, qui reprend l'idée que vous avez évoquée rapidement et qui est absolument passionnante, qui est du langage qui finalement parle à notre place et de notre possible utilisation du langage pour ne rien dire. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque nous parlons, lorsque nous utilisons le langage, ce n'est pas toujours pour signifier quelque chose ou pour dire quelque chose, mais parfois, le simple fait de parler a une fonction qui est une fonction souvent rassurante. Écoutez ce texte. La vérité qu'il y a à énoncer, si vérité il y a, est là, dans le message. La plupart du temps, aucune vérité n'est annoncée, pour la simple raison que le discours ne passe absolument pas à travers la chaîne signifiante, qu'il en est le pur et simple ronron de la répétition et du moulin à parole, et qu'il passe quelque part en court-circuit par ici entre bêta et bêta, et que le discours ne dit absolument rien, sinon de vous signaler que je suis un animal parlant. C'est le discours commun de ces mots pour ne rien dire, grâce à quoi on s'assure qu'on n'a pas en face de soi affaire à simplement ce que l'homme est au naturel, à savoir une bête féroce. Il n'y a pas de parole possible pour la bonne raison que la parole suppose précisément l'existence d'une chaîne signifiante, ce qui est une chose dont la genèse est loin d'être simple à obtenir et suppose l'existence d'un réseau des emplois, autrement dit de l'usage d'une langue. Ce qui suppose en outre tout ce mécanisme qui fait que, quoi que vous disiez, en y pensant ou en n'y pensant pas, quoi que vous formuliez, une fois que vous êtes entré dans la roue du moulin à parole, votre discours en dit toujours plus que ce que vous n'en dites. Ces phrases s'appliquent à nous deux aussi, Jean-Pierre Clairaut. Hein. Votre discours en dit toujours plus que vous n'en dites une fois que vous êtes entré dans la roue du moulin à parole. L'expression du moulin à parole est très parlante. C'est vraiment celui qui brasse de l'air, qui parle pour ne rien dire. Oui, le langage tourne en rond, d'une certaine façon, il ne cesse de tourner. Et je pense qu'il le dit très bien. On le voit très bien dans le système des accords, par exemple en français. Les accords des verbes ne servent à peu près à rien, sinon qu'à montrer que vous savez les utiliser et que vous appartenez donc à une classe intellectuelle qui sait manier ce genre de choses. Mais en réalité, les accords ne servent à rien. On se fait très bien comprendre, même s'il y a des fautes d'accord. Et pourtant, on les repère très très bien. Donc c'est quoi? C'est du spectacle ou ça peut être du spectacle, ça peut être le fait de bien sûr que Bourdieu aurait très bien dit ça. Ouais. Hein. Et effectivement, les mots, peut-être peut-être plus en français qu'ailleurs, sont constamment en train de se répéter de telle sorte qu'ils se font écho les uns aux autres constamment. Peut-être qu'en anglais, c'est un petit peu moins vrai, d'ailleurs, parce que c'est Mallarmé qui repérait que les verbes anglais étaient exactement comme des noms, étaient comme des adjectifs. Il n'y a pas une très très grande différence en anglais entre un verbe, un nom, un adjectif, parce que d'abord, il y a la circulation avec la forme en ing, mais même sans la forme en ing, les verbes s'accordent très peu. Un s simplement à la troisième personne, c'est tout. Ça change pas. Et si on veut changer de mode, on ajoutera un should, un would, etc., qui lui ne changera pas non plus. Et d'une certaine façon, on change très peu en anglais. Ça veut pas dire d'ailleurs que l'anglais soit plus en prise sur les choses que les autres langues, mais il crée peut-être moins de cet effet de tourniquet que les autres langues. Alors, est-ce que il ne faudrait pas que les langues aient cette espèce d'allure de tourniquet, tournent en quelque sorte sur elles-mêmes, pour qu'une analyse soit possible? Et est-ce que le fait que l'anglais soit une langue qui, Deleuze l'avait très très bien noté, il a très très bien vu ça, une langue qui a l'air de simplement d'agglutiner des mots qui ont l'air de dire quelque chose constamment et d'être en prise en quelque sorte sur les choses peut-être plus facilement que le français, est-ce que ce n'est pas ça qui expliquerait peut-être une plus grande facilité du français à l'analyse par rapport à l'anglais, ou une plus grande difficulté de l'analyse par rapport au français? Mais pensez-vous que Lacan ait raison? Parce que si c'est le cas, ça veut dire que toutes les personnes parlant anglais seraient moins bien analysées selon Lacan que les français, que c'est les autres? C'est ce qu'il a l'air de dire quand même. Hein. Mais vous pensez qu'il a raison? La première chose, quand il dit finalement, il ne restera plus grand monde à analyser si j'ai raison. Hein. Mais je pense qu'il y croit sérieusement. Je pense qu'il le croit, je vais vous parler ensuite de ce que je crois, mais oui. Je pense qu'il le croit pour une raison qui est une raison, je dirais, politique. Parce qu'il est en train de voir... Je précise que quand il le dit, il est en 1975, donc bien avant ce qu'on constate comme étant aujourd'hui l'expansion de la langue anglaise. Enfin, ça commence, Non, c'est déjà commencé depuis longtemps. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui. C'est pour les questions psychiatriques et les questions psychanalytiques, ça commence bien plus tôt. En fait, le départ de Lacan, enfin plus exactement l'expulsion de Lacan des instances internationales, ça va être très très tôt. C'est au moment, justement, quand il déclare un peu la guerre à l'anglais, c'est à peu près à ce moment-là que ça se déclenche. Hein. Alors je crois que l'idée pour lui, c'est quand même de se dire, est-ce qu'il est tellement normal qu'une langue accapare d'une certaine façon les instances internationales et pense que la psychanalyse va être un discours scientifique recevable universellement, recevable avec une espèce de nécessité, parce qu'elle est anglaise, parce qu'elle parle anglais. Est-ce que les autres langues ne seront plus qu'en rapport de traduction à l'égard de cette langue? Il y a quand même réellement un danger. Bon, il y a sans doute toutes sortes de questions, notamment les séances courtes, comme vous savez que ça a été l'élément déclenchant de son exclusion. Hein. Le fait d'avoir des séances qui peuvent durer un quart d'heure, sur le plan international, il était préconisé une demi-heure ou trois quarts d'heure. Bon, il est clair qu'il y avait sans doute des questions comme ça. Mais je crois que par derrière la chose, cette chose-là, il y a cette idée que l'anglais est en train de dominer. Au nom de l'internationalisme, l'anglais met la main, d'une certaine façon, sur toutes les structures. Alors, c'est très différent ce que vous dites. Ça veut dire que Lacan, c'est-à-dire que le fait de tenir pour vrai que la langue anglaise serait moins apte à l'analyse ne serait qu'un prétexte pour dénoncer la suprématie de la langue anglaise. C'est de la mauvaise foi, alors. Oui. Je ne sais pas s'il y a de la mauvaise foi. Oui, il y en a sans doute. C'est probable qu'il y en ait. Mais je pense qu'en même temps, il y a une vraie crainte. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement en psychanalyse que la chose se joue. Je pense, par exemple, en psychiatrie, c'est exactement ce qui s'est passé aussi. Hein. C'est-à-dire que très très vite, lorsqu'on s'est avisé qu'on pouvait faire une espèce de vocabulaire radical, un manuel total au fond des maladies mentales valables pour le monde, eh bien, on a choisi l'anglais. Et d'une certaine manière, les autres langues n'avaient plus qu'à s'aligner par une espèce de moyen de traduction. Est-ce que il est tellement normal que un patient dise sa maladie, se fasse soigner à l'intérieur d'une langue qui est une langue de traduction? Est-ce que c'est très... Et je pense que c'est un vrai problème, ça. Quand on dit son mal, j'ai entendu Michel Serres dire une fois qu'il n'y avait pas pire difficulté que d'avoir à dire son mal dans une autre langue que la sienne. nous y sommes. Je veux dire par là, d'une certaine façon, c'est exactement ce qui se passe. Il y a énormément de maladies qui désormais ne prennent leur sens qu'à partir de ces manuels anglo-saxons que l'on modifie tous les 5 ou 6 ans, et qui relèguent simplement dans les annexes des maladies qui n'existent que dans certains pays qui ne connaissent pas exactement les mêmes maladies. Mais voyez, on a l'impression qu'on sert de l'ethnologie pour ostraciser un certain nombre de gens qui n'ont pas les mêmes maladies que nous, si j'ose dire. Alors, je pense qu'il a tout ça devant les yeux, et il y a, je crois, un rejet. C'est pas attention, il ne rejette pas la culture anglaise. C'est quelqu'un qui lit Shakespeare, qui lit Joyce, qui prend tout son plaisir, et le nôtre d'ailleurs en même temps, à parler de Joyce et à lire Joyce. Mais en même temps, il voit le danger sur le plan de la psychanalyse et de la psychiatrie, pour une fois presque d'accord, si j'ose dire, par cette espèce de mainmise de l'anglais, qui est extrêmement dangereuse. Même si on peut, par ailleurs, trouver que l'anglais est la plus belle langue possible. Mais pourquoi? Et voyez que c'est une question complètement politique. C'est-à-dire qu'en très gros, on voit que on est passé d'un problème assez ontologique qui nous menait du côté de Berkeley, etc., à quelque chose qui est éminemment politique. Est-ce que c'est pour ça que le philosophe que vous êtes avait commencé à s'intéresser à Lacan? Alors, parce que c'est vous n'êtes pas psychanalyste. Ah non, pas du tout. Non. Vous êtes philosophe de formation. Oui. Moi, ce qui m'a intéressé chez Lacan, c'est plutôt l'entrée par, je dirais presque par l'ontologie, par des problèmes purement liés aux passions. Pourquoi est-ce qu'il ne voulait pas donner un sens à la notion de passion? Pourquoi est-ce qu'il admirait Berkeley? Et de fait, il y a vraiment une admiration de Berkeley parce que justement, le langage chez Berkeley n'est pas fondamentalement quelque chose qui sert au dialogue, ça sert à structurer, par exemple, nos perceptions. Le fait que tout de suite, je sois en train de parler, vous écoutez, vous me voyez en même temps, vous mettez d'une certaine façon ces sensations qui sont très différentes les unes des autres, vous les reliez comme si ça venait d'un même objet, parce que vous pouvez dire, y a un homme devant moi, ou il y a Clairaut qui est devant moi, ou etc. Donc, c'est quelque chose, le mot sert à fabriquer de l'objet, si j'ose dire. Et à partir de schèmes perceptuels, de schèmes sensibles, qui sont différents les uns des autres. Et vous considérez que Lacan est un philosophe? Non, je dirais pas ça. Mais il se sert de la philosophie très bien. Moi, je ne l'ai jamais pris en faute pour ma part, sur un philosophe. C'est-à-dire qu'il comprend toujours ce qu'il lit. Et il le comprend bien, avec une grande finesse. Est-ce que c'est un philosophe? Certainement pas, surtout, d'ailleurs il n'aurait pas apprécié que l'on dise ça de lui, surtout à la fin de sa vie, il détestait plutôt les philosophes, enfin du moins je pense qu'il n'en attendait plus rien. Il avait peut-être le sentiment que, il y avait peut-être Foucault, oui, qui pouvait à la limite être intéressant, mais Deleuze était parti, avait laissé tomber la psychanalyse, donc il y avait plus grand monde pour mériter son admiration. C'est, à coup sûr, c'était pas du côté de la phénoménologie qu'il allait trouver son admiration. Dans ses réflexions sur le langage, qui sont très nombreuses, on est en train de les énumérer ensemble, Jean-Pierre Clairaut, il y a l'idée qu'on a entendue dans le texte lu précédemment par Vincent Schmitt, l'idée d'une fonction quasiment rassurante du langage. Il était dit, le discours ne dit absolument rien, c'était le texte sur le moulin à parole, parler pour ne rien dire, allô, sinon de vous signaler que je suis un animal parlant. Mm-hmm. C'est le discours commun de ces mots pour ne rien dire, grâce à quoi on s'assure qu'on n'a pas en face de soi affaire à simplement ce que l'homme est au naturel, à savoir une bête féroce. Pourquoi passons-nous notre temps, ça dépend pour qui, mais la plupart du temps, à parler pour ne rien dire, et bien pour se rassurer que nous avons bien en face de nous et pour prouver à l'autre que nous ne sommes pas des animaux, que nous sommes des êtres humains parlants. Ça permet d'éclairer quand même ce phénomène ce qu'en anglais on appelle le small talk ou le bavardage, tous ces mots qui ne servent à rien. Ils ont une fonction très forte. Ils ont cette fonction, effectivement, de nous affirmer constamment dans notre humanité. C'est ce que dit Hobbes. C'est, même s'il se réfère pas beaucoup à Hobbes, mais c'est à peu près le même univers que celui de Hobbes. Nous émettons des signes et constamment, et on fait tourner ces signes véritablement constamment. Est-ce que ces signes renvoient à quelque chose? On n'en sait rien du tout. Mais au moins on les fait tourner. Ça c'est clair. Et du coup ça permet effectivement d'échapper à la férocité. On n'est pas dans. On peut faire des contrats. On peut avec notre langage émettre du futur, parler du passé. On peut faire des conditionnels. On peut faire des subjonctifs. Des promesses. On peut faire de la fiction. On est constamment dans de la fiction. C'est-à-dire on fabrique du fictif. Et Lacan s'est énormément intéressé à cette question du fictif, à la production du fictif. Et il est allé chercher plutôt Bentham pour ça. Il a lu, effectivement, très très bien les textes de Bentham. À chaque fois qu'il lit un texte, c'est toujours bien lu. Et là, sur Bentham, il a parfaitement vu l'intérêt de la notion de fiction. C'est cet intérêt de la fabrication, finalement, d'un monde qui n'a plus de réalité, mais qui permet néanmoins d'avoir une prise sur la réalité, de fabriquer du réel. Un contrat, par exemple, évidemment, ça n'existe pas, mais tout se passe comme si on avait une espèce de fabrication de réel qui nous fait échapper à l'animalité la plus sauvage, alors qu'elle est quand même, toujours présente. Il suffit d'un événement grave, d'une guerre civile, de quelque chose qui une punition qu'on n'admet pas, etc., pour voir sauter tout ce qu'on imaginait être très très stable et très solide. Que la fiction puisse fabriquer du réel, c'est pas le moindre des apports de Lacan, hein, oui. Qui permet de contredire les tenants d'une position qui voudraient voir dans l'imaginaire, la fiction, voilà. la virtualité, toute cette vie qui n'est pas soi-disant la vie réelle, eh bien, de la tenir pour une manière de contredire notre réalité, eh bien non, dit Lacan, justement, la fiction produit du réel. Il y a un aspect très important que vous avez évoqué aussi, ce sont les pertes du langage. Ce que le langage ne parvient pas à dire, ce qui passe à travers les mailles de son filet. Écoutez comment Lacan en parle, c'était en 1973, et il s'intéresse à ces pertes qui sont autant de manières de dire, mais peut-être indépendamment du langage, il les lie à une forme de jouissance. Écoutez. La traduction, chacun sait ce que c'est que la traduction. On commence à s'y intéresser, peut-être un tout petit peu à cause de moi, mais qu'importe. C'est toujours une réduction, et il y a toujours une perte dans la traduction. Eh bien, ce dont il s'agit, c'est en effet d'une perte. On touche, n'est-ce pas, que cette perte, c'est le réel lui-même de l'inconscient. Le réel même, tout court, le réel pour l'être parlant, c'est qu'il se perd quelque part. Et où, c'est là que Freud a mis l'accent, il se perd dans le rapport sexuel. Si Freud a centré les choses sur la sexualité, c'est dans la mesure où dans la sexualité, l'être parlant bafouille. Alors, pendant longtemps, ça n'a pas empêché qu'on a imaginé la connaissance sur le modèle de ce rapport en tant qu'il est rêvé. Et comme je viens de le dire, rêver veut dire là bafouiller. Mais bafouiller en mots. Bafouiller en mots, quelle belle expression. C'était la voix de Lacan en 1973 sur France Culture, les chemins de la philosophie. Alors Jean-Pierre Clairaut, aidez-nous à comprendre. On comprend sans doute cette idée que dans toute traduction, il y a une perte. Oui. C'est ce que vous disiez en prenant l'exemple d'une traduction entre du français à l'anglais. Voilà, on ne peut pas tout traduire. Pour Lacan, cette perte, c'est le lieu du réel de l'inconscient. Oui. Déjà ça, c'est pas facile à comprendre. Et ensuite, cette perte-là, ce bafouillement du langage, s'exprime de manière peut-être évidente, dans la sexualité. Oui. C'est ça, effectivement, il y a plusieurs thèses qui sont nouées en très peu de secondes. Oui, à exactement. Vous de nous guider. En 1 minute 15. Oui. Alors, là, d'abord, il y a cette idée, effectivement, de traduction qui est très belle avec des restes. On ne peut pas traduire sans reste. Ça rend à la fois plein de plaisir, la traduction, et plein de désespoir, parce qu'on sait qu'on ne peut on n'a pas pu rendre le texte. Faut d'ailleurs pas même y penser. Je veux dire, c'est pas une photographie exacte. Quand bien même ce serait une photographie, ce serait inexact. Donc, il n'y a pas de, on produit un autre texte. Alors, faut faire attention quand même, parce qu'il y a du bien traduire et du mauvais traduire malgré tout. Donc, il y a effectivement là une difficulté. C'est-à-dire, qu'est-ce que serait une bonne traduction? À coup sûr, c'est pas une traduction fidèle. Ça n'a vraiment pas de sens. On peut pas dire ça. Ce sont vraiment des mots en l'air. Alors, je me rapproche tout doucement de la notion de couple et de sexualité avec cette notion de fidélité. Il rattache effectivement très très bien ce thème de la perte avec l'idée du couple, puisqu'on imagine assez volontiers que on va faire dans l'amour, on va faire une espèce de chose une avec quelqu'un d'autre. Or, ce n'est pas possible. Je veux dire, on peut pas du tout garantir que l'autre peut savoir, ressentir, penser exactement les mêmes choses que nous. d'un acte, par exemple, comme l'acte sexuel, il n'est pas du tout sûr que l'un et l'autre attendons exactement les mêmes choses. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Oui, c'est pas exorbitant ce qu'il dit dans ce cas-là. Ça veut dire d'une. Oui, ça semble dit comme ça évidemment. Dit comme ça, c'est assez violent. Mais ce qu'il veut dire quand même, c'est que de toute façon, on ne sait pas. De même qu'on ne sait pas exactement ce que l'autre dit, ce qu'il est en train de dire. C'est pas si facile que ça. Tout de suite, nous sommes en train de discuter. Est-ce que nous sommes complètement sûrs d'être complètement à l'unisson? Nous le souhaitons, nous l'espérons, nous croyons peut-être, mais ça ne veut pas dire du tout que les choses se fassent exactement de cette façon-là. Bon, alors, tout le monde l'avait dit. Pascal l'a dit, Hobbes l'a dit, il n'y avait pas de rapport sexuel. Il dit pas ça. Non, qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de communication par le langage. Lacan l'étend en disant, mais pour la sexualité, il en va de même. C'est-à-dire que d'une certaine façon, même si j'ai l'impression que l'autre va combler un manque de ma part, c'est une belle illusion. C'est-à-dire que, bien entendu, il n'est pas là pour le combler. Comment serait-ce pensable que, par quelle irrationalité, on pourrait imaginer que l'autre comble véritablement un manque en moi? D'une certaine façon, oui, c'est bien un peu ce qu'il fait. Mais c'est moi qui suis constamment en train de me servir de l'autre pour combler ce manque, tandis que l'autre fait de même si j'ai un peu de chance. Et c'est comme ça que les choses peuvent à peu près s'harmoniser, au moins un certain temps, et peut-être pour la vie, si les choses, après tout, tournent comme ça. Mais il ne faut pas imaginer que c'est le réel, ça. Il n'y a pas de réalité de ça. De ça, c'est quoi, là? C'est la sexualité ou l'amour? Réalité. Ou la rencontre entre deux êtres? De la rencontre entre deux êtres. De l'amour, non, c'est peut-être autre chose. Pour l'amour, là, peut-être y a-t-il quelque chose de beaucoup plus stable. Imaginez que, d'une certaine façon, par la sexualité, on peut, en quelque sorte, fabriquer un être qui serait un. Là, c'est vraiment de l'illusion. C'est ce que Platon avait très bien vu aussi dans Le Banquet, hein, avec ses androgynes. Bon, mais pour l'amour, peut-être est-ce quelque chose d'autre. Là, Lacan aurait peut-être un autre discours qui il n'est pas très freudien sur ce point-là. D'ailleurs, il l'est sur très peu de points en réalité. Mais alors l'amour qu'il ne cesse de se revendiquer de Freud. C'est un joli masque constamment. Il travaille constamment derrière Freud. Pas forcément à juste titre d'ailleurs, hein, mais il me semble non, effectivement, qu'il est très souvent en réalité en dissidence avec Freud. Et l'amour, je crois, pour lui, je dis pas du tout que c'est une réalité, mais il y aurait une possibilité quand même de réalité plus grande que du côté, par exemple, du rapport sexuel. Qui effectivement, dit-il, n'existe pas. C'est une des thèses qu'il a martelées, effectivement, toute sa vie. Il dit pas qu'il n'y a pas d'acte sexuel, hein, il dit qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Hein, on imagine facilement être à l'unisson de l'autre dans des circonstances bien privilégiées, en réalité, comme on a tort. Voilà, parce que l'un et l'autre pensons à toute autre chose. Ces restes du langage qu'il nomme, et c'est là où on comprend que, pour lui, non seulement l'inconscient est structuré comme un langage, mais oui. Que peut-être tout. Et langage, en tout cas, le langage signifie tout ce que nous essayons de dire parfois malgré nous. Bien ça, on le comprend dans l'extrait qu'on a entendu parce qu'il, quand il parle de la sexualité, il dit c'est l'endroit où nous bafouillons. Nous avons bafouillé en mots, comme si là encore, ce qu'il importait de retenir de cet acte même qu'est la sexualité, c'était le rapport au langage et que le bafouillement était lui-même signifiant. Oui, tout à fait. Alors, est-il vraiment l'auteur de cette idée-là? Je pense que là, il pouvait trouver, chez les auteurs anglais, énormément d'appui. Quelqu'un comme Berkeley ne cesse de dire quelque chose comme ça, que la réalité est fabriquée constamment par le langage. Que s'il n'y avait pas de langage, d'une certaine façon, nous ne pourrions pas vivre de la même façon que nous vivons. Chez Hume, il y a exactement la même façon de faire, où il dit finalement les passions sont structurées effectivement par le langage. Il faut pouvoir les désigner. Il faut pouvoir, d'une certaine façon, il faut espérer que l'autre ait les mêmes sentiments que moi. C'est-à-dire qu'on est constamment dans des rapports de sympathie. On est en train de souhaiter que l'autre ait des sentiments comparables aux miens. Je peux absolument pas garantir une chose comme ça. Ça se garantit pas. On est dans la pure illusion. Mais on fait comme si. Et on est constamment dans cette fiction qui nous plaît bien, effectivement. Mais il y a deux, pour schématiser, il y a deux écoles en philosophie pour réfléchir sur le langage. Il y a ceux qui pensent que le langage précède la réalité des choses, que c'est parce que nous parlons que nous pouvons nommer les choses et que ces choses existent. il y a ceux qui, à l'inverse, pensent que le langage est toujours une affaire de traduction, que nous avons d'abord un contact direct avec le monde, avec les autres, et que le langage peine à traduire ensuite. Oui, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien aussi avoir une philosophie. On peut avoir une philosophie de la traduction dans la première version. Hein. Mmh. C'est-à-dire que le langage précède. On fabrique avec ça un monde, et il est clair que on peut constamment transformer ce monde en d'autres mondes parce que le langage évolue, parce qu'on comprend d'autres langages, et d'une certaine façon, il n'y a que des transformations, et c'est la transformation qui est le vrai. Il n'y a pas un moment où on peut s'arrêter en disant voilà, maintenant nous avons le réel. Il n'y a que les réalistes pour penser ça, effectivement. Peut-être voilà. La deuxième série de philosophes qui dirait il y a vraiment des choses, et nous en parlons. Et donc Lacan, le langage dans ce cas, oui, lui, il serait plutôt du premier côté. C'est-à-dire que il dit constamment qu'il est un admirateur de Berkeley. Être un admirateur de Berkeley, ça veut quand même dire que les choses en soi, bon, on ne sait pas s'il y en a, on a plutôt tendance à penser qu'il n'y en a pas. Bon, et que en réalité, c'est plutôt une affaire de langage. Le réel est une question de langage. Mais alors pourquoi dit-il, et ce sont ces termes, que le signifiant, donc dans le langage, oui, il y a le signifié, ce qui est dit, le signifiant, ce qui permet de dire, est le meurtre de la chose. Parce qu'on aurait tendance à penser, en vous écoutant, que pour Lacan, tout serait langage, ou que le langage serait ce qui permettrait de tout dire, ou de pointer ce qu'on ne peut pas dire. Et pourtant, il malmène ce qu'on appelle le signifiant. Oui, vous avez... Il insiste sur ce point-là. Il y a peut-être pas de cohérence chez Lacan là-dessus, mais et peut-être une incohérence de mon commentaire, à l'égard de Lacan, mais il se dit à la fois partisan de Berkeley, il le dit très nettement, constamment, si Berkeley n'avait pas été là, je ne serais jamais lancé dans ces histoires de linguistiquerie, comme il dit, j'aurais jamais fait quelque chose comme ça, mais d'un autre côté, il y a effectivement quelqu'un qui va penser que le mot tue la chose, effectivement. C'est un mot, c'est quelque chose qui vient de Hegel, ça, et manifestement, il le tient de là. Mais il fait feu de tout bois, Lacan, c'est-à-dire qu'il se sert vraiment des philosophies très librement. Une fois, on prend une thèse parce que ça arrange, une autre fois, on prend une autre thèse chez un autre auteur. Mais c'est terrible ce que vous dites, ça veut dire s'il n'y a pas de cohérence, du coup, à quoi se fier ? Il n'est pas vraiment incohérent, mais je veux dire simplement, il n'est pas hegelien, pas plus qu'il n'est berkeleyen. Il va être berkeleyen sur cette question du langage, je crois que globalement, c'est plutôt sa lignée, c'est plutôt celle-là qui est la bonne. Mais effectivement, il y a ce que vous dites, quand il dit par exemple que le signifiant tue la chose, alors effectivement, si ça veut dire d'une certaine façon que pouvoir dire quelque chose me dispense de pouvoir accéder à la chose directement, bon, c'est peut-être pas tout à fait berkeleyen, effectivement. Mais c'est pas non plus trop loin. Je veux dire, ça peut s'accommoder. Mais indépendamment de la référence à Berkeley, de toute façon, c'est plus en cohérence avec lui-même qu'on aimerait le voir, disons. Oui. De même, on parlait de la sexualité comme étant ce lieu où l'on bafouille, le langage peut se perdre. On trouve de nombreuses analyses de Lacan sur le langage, sur la jouissance du langage, où il dit ceci, là où ça parle, ça jouit, et ça, c'est rien. Comme si finalement, il y avait une utilisation du langage qui n'est plus cette fois-ci pour montrer que nous n'avons rien à dire mais que nous existons, qui n'est pas pour essayer de traduire ce que nous voulons dire, mais comme une forme de jouissance, comme si le simple fait d'entrer dans le langage, peut-être de se l'approprier, n'était pas une manière de savoir, mais de jouir. Ah oui, il oppose les deux. Oui. Je pense que c'est plutôt, effectivement, une manière de jouir, de constamment remplir un espace, de faire quelque chose quelque chose qui nous permet effectivement de faire fonctionner ce langage, quand bien même on ne saurait pas exactement quelle est cette fonction. Il y a énormément de fonctions du langage, et on croit généralement que c'est fait pour communiquer. La communication n'est véritablement qu'un aspect du langage et pas forcément la plus importante. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est impossible. Ça ne veut pas dire qu'elle est impossible, mais elle est extrêmement difficile à montrer. Mais ça, c'est encore une fois, ce n'est pas une grande originalité de Lacan. Je veux dire, lisez Pascal, lisez les pensées que vous avez lues d'ailleurs. Et il est clair que c'est ce qu'il dit constamment. Et Lacan est un lecteur de Pascal très attentif. Il aime beaucoup Pascal, il le reconnaît comme étant quelqu'un qui l'a complètement formé. Et sur ce point-là, en particulier, je crois véritablement qu'il doit énormément à Pascal. Alors qu'est-ce qui vous plaît tant chez Lacan ? Qu'est-ce que vous trouvez chez Lacan que vous n'avez pas trouvé chez les autres philosophes ? C'est, encore une fois, c'est pas un philosophe, hein. Je dirais pas. Précisément. Que c'est un, c'est, vous êtes tourné vers lui, philosophe. Pourtant. C'est quelque chose qui me permet de, moi, je viens plutôt de la philosophie anglaise. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la philosophie Berkeley, Hume, Bentham, etc. Et j'ai trouvé quelqu'un qui, tout d'un coup, prenait ces auteurs-là au sérieux et qui s'occupait de psychanalyse. Et c'est sans doute pour cette raison que je me suis mis à lire un petit peu autour de Lacan. Parce que Lacan est quand même quelqu'un qui, non seulement, connaissait assez bien les thèses de Jacobson, de Saussure peut-être avant, mais il connaît bien les sciences humaines, même s'il ne dit pas que la psychanalyse est une science humaine, mais il connaît bien les sciences humaines, et c'est quelqu'un qui permet de faire vraiment le pont entre les auteurs anglais que j'apprécie particulièrement, et puis peut-être la modernité. C'est quelqu'un qui, d'une certaine façon, m'a aidé de ce point de vue. Hein. C'est à ce titre-là que j'ai lu les textes de Lacan, pour peut-être y a-t-il d'autres raisons, hein, des raisons personnelles, etc. Mais quand même, c'est profondément cette raison qui a fait que je me suis mis attaché à ces textes que j'avais lus dans les années 60, après 68 par là, mais sans comprendre du tout. Enfin, je n'avais pas du tout compris, je voyais même pas la portée de ce que je lisais. Mais souvent, ce sont les meilleures lectures, ça, de tout d'un coup se dire, mais je sais pas ce que ça veut dire. Puis on retrouve ça 10 ans, 15 ans, 20 ans après, et on trouve que là, c'était extrêmement important. Et aujourd'hui, on peut lire de vous trois ouvrages sur Lacan, Le vocabulaire de Lacan chez Ellipse, Lacan, y a-t-il une philosophie de Lacan, toujours chez Ellipse, et Lacan et la langue anglaise aux éditions RS. Merci Jean-Pierre Clairaut. Merci. On se quitte avec Jeanne Moreau, des mots de rien. L'amour s'exprime avec des mots comme ça, des mots de tous les jours. Des mots tout gris, des petits mots de rien, des mots de rien du tout. On dit au saut du lit, bonjour il fait beau, as-tu bien dormi? Ces mots si tendres, au tendre écho, comme un pur reflet dans l'eau. Ces mots de moins que rien, respirés par toi, tissent mille liens. Ces mots de moins que rien du tout, échangés de nous à nous. Ces mots qui viennent et coulent au fil des jours, ces mots qui tournent court. Tous ces mots qui ne pèsent pas bien lourd, pour moi sont lourds d'amour. On se dit à minuit, t'as les plis aux yeux dans le coin quand tu ris. Quand je ris, mais oui chérie. Et toi quand tu me souris. Ces mots de moins que rien. Respirez pas. Ces mots de moins que rien, c'est Jeanne Moreau qui le chante sur France Culture, Les Chemins de la Philosophie. Il est l'heure de retrouver Géraldine Bosna-Savoie pour son journal de la philo. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. La grille d'été n'a pas encore commencé sur France Culture, il faut encore attendre une semaine, mais déjà vous nous proposez vos lectures de l'été. Puis pas n'importe laquelle. Moby Dick d'Herman Melville, fruit de ses expériences maritimes dans le Pacifique entre 1841 et 1844, écrit en 18 mois, publié en 1851, ce monument, ce chef-d'œuvre, ce monstre de la littérature paraît dans une nouvelle édition chez Gallimard, dans la collection Quarto. Alors on y retrouve la traduction de Philippe Jaworski, déjà disponible en Pléiade, mais enrichie ici d'une nouvelle préface, d'illustration, d'un dossier critique, d'un glossaire nautique et des lectures des plus grands, Faulkner, Sartre, Deleuze et j'ajoute John Huston. Ever since the beginning of time, man has pitted himself against the power of the sea to learn its secrets, to solve its mysteries. Many stories have been told of ships and the men who sail them, of sea beasts and the men who hunt them. But none has captured the imagination through the years so much as Herman Melville's immortal story of Captain Ahab, who lost his very soul in the bitterness of vengeance against the great white whale, Moby Dick. You're to look for the white whale. A whale as white and as big as a mountain of snow. À quoi se mesure un monstre littéraire? Eh bien, dans le cas de Moby Dick, vu son nombre de commentaires et d'adaptations, vu le nombre de penseurs, écrivains, chanteurs et réalisateurs qu'il a inspirés, on peut en effet se demander ce qui fait de ce texte un monstre. Est-ce vraiment le cachalot lui-même à la blancheur inquiétante? Est-ce que ce sont les personnages, la quête folle du capitaine, l'équipage monde du Pequod, l'énigmatique narrateur Ismaël? Ou est-ce la portée du récit Moby Dick, portée tantôt mystique de la chasse à la baleine, tantôt métaphysique de la mer bleue, pleine mais silencieuse, ou très physique du périple cétologique? Ou alors, ce qui en fait peut-être un monstre, ce sont peut-être toutes ces lectures, tous ces commentaires qui prolifèrent. On a entendu l'adaptation de John Huston avec Gregory Peck, on découvre tout l'amour d'un Sartre, d'un Blanchot ou d'un Deleuze, Deleuze d'ailleurs, qui évoque dans un de ses cours le désespoir sans façon de l'homme ordinaire sur un bateau. Alors ce n'est pas Gilles Deleuze. Non, j'ai reconnu que c'était pas Gilles Deleuze qu'on a d'ailleurs beaucoup. Non, en fait, je voulais faire entendre Gilles Deleuze, donc un extrait de son cours, mais c'était trop peu audible. C'est Nino Ferrer qui exprime une autre forme de désespoir, de la folie biblique à ce désespoir ordinaire. Les interprétations de Moby Dick vont donc bon train, et je ne vais pas en ajouter une en quelques minutes. Mais quand même, je vais tenter une observation. Cette monstruosité de Moby Dick et de ses lectures m'a frappée. À quoi tient-elle? Qu'est-ce qui, dans le texte, permet de telles proliférations, étirements et excroissances? Alors on pourrait répondre en insistant sur les personnages et la portée du texte lui-même, mais il y a aussi quelque chose dans Moby Dick qui relève de la texture même et qui apparaît dans tous ces passages de description de matière et de couleur. Nous n'avons pas encore éclairé le mystère incantatoire de cette blancheur, ni appris pour quelle raison elle frappe si puissamment l'âme, et ce qui est plus étrange, et encore plus rempli de présages, pourquoi elle est à la fois le symbole le plus significatif des choses spirituelles, le vrai voile du Dieu chrétien, et en même temps l'agent qui rend plus intense l'horreur des choses qui épouvantent l'homme. La blancheur de Moby Dick et ce célèbre chapitre qui la consacre sont bien connus. On y entend toute l'importance d'un blanc implacable, d'un blanc qui fait taire, en fait, toutes les multiples lectures face à toutes ces interprétations qui font de Moby Dick un monstre de la littérature qui prolonge le texte dans tous les sens. Ce blanc indique plutôt la profondeur, celle des textures, l'importance de la matière, des sens, des couleurs, des sensations. En témoigne ce passage incroyable. Le moment venu, ce spermacétie fut soigneusement manipulé pour aller au bouilloir, ce dont nous parlerons plus tard. Avec quelques autres, je palpais la consistance de celui qui se trouvait dans une bassine grande comme la baignoire de Constantin. Je le trouvais coagulé en gros grumeaux qui roulaient ci et là dans la partie encore liquide. Notre rôle était d'écraser ces grumeaux à la main pour les faire redevenir liquides. Un doux et onctueux travail. Rien d'étonnant à ce que le spermacétie ait été autrefois un cosmétique si en faveur, lui, si doux, si clair, si souple, si délicieusement mou. Quand il n'y a pas de signification simple dans un texte, il reste ainsi l'essence d'une texture qui ne l'étire pas en longueur, mais en révèle la profondeur comme celle de Moby Dick. C'est donc votre coup de cœur de l'été, Géraldine, dans une collection particulière? En quarto Gallimard, alors il y a de très belles illustrations, il y a la traduction de Philippe Javorski, un super dossier critique, c'est à lire pour cet été. Merci beaucoup, votre chronique est à réécouter bien sûr ce site du journal de la philo. Un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission avec Marianne Chassor, Géraldine Mostasavoie, Maud Markiewicz, Isis Jourda, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Audrey Guélil et Pierrick Monsigny qui étaient à la prise de son, Vincent Schmitt à la lecture des textes, Lacan dans le rôle de Lacan qu'il joue à merveille et qu'on retrouvera demain pour la suite de cette série sur Lacan. Donc on se demandera ce que donne la rencontre entre la psychanalyse et la littérature pour Lacan. Vous verrez, c'est passionnant et c'est Éric Marty qui viendra vous en parler. D'ici là, pour réécouter cette émission, c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture à la page des Chemins de la Philosophie. Vous y trouverez toutes les émissions de cette semaine, des mois et des années passées. Vous pourrez en réécouter beaucoup en ligne et télécharger la plupart aussi des podcastés pour les écouter où vous voulez. voulez. Et quand vous voulez, vous vous constituez ainsi cette bibliothèque idéale, mais bien réelle. Rendez-vous également sur les réseaux Twitter, Facebook, Instagram, où nous attendons vos remarques et commentaires et mettons en ligne quotidiennement l'émission du jour. On se retrouve demain à 10h donc. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.